Bonjour à toutes et à tous, c'est Michel pour sa chronique du jeudi matin sur RGM. Voilà, que j'ai intitulé « Mort, il n'y a pas que ça ». Décidément, les médias ne sont plus que la caisse de résonance du sensationnel. Tout du moins d'événements que l'on monte en épingle alors qu'ils sont, selon une formule très usitée, que l'arbre qui cache la forêt. Les médias sont déchaînés sur l'affaire Griveaux, comme si Paris était le centre du monde et que la candidature, ou plutôt l'absence de candidature, devrait passionner le public du monde entier. La France est le pouvoir du monde entier. C'est oublier que Griveaux, dans les sondages, se retrouvait en troisième position derrière la maire sortante et Dati. Celle-ci qui avait, soit dit en passant, bien servi Sarkozy en restreignant les moyens de la justice et par là même l'accès du citoyen à la justice. Depuis, Macron n'a pas fait mieux. Il a fait peut-être pire. Certes, je suis loin d'approuver le fait que l'on puisse se servir d'images sulfureuses, par certains côtés, pour ternir la réputation d'un candidat qui se présentait comme un modèle de la famille. Mais arrêtons de masturber les esprits avec l'affaire Griveaux. Il y en a marre. D'ailleurs, Macron a trouvé la solution. Envoyé Agnès Buzyn à l'assaut de la mairie de Paris, après avoir volé au secours d'un pouvoir macronien mis en difficulté par sa politique hospitalière, dont elle a assuré la promotion malgré les révoltes du personnel. Ceci dans le but évident de privatiser, voire de marchandiser la santé, éloigner les citoyens de l'accès aux soins. Agnès Buzyn a bien servi cette politique de déstructuration de l'hôpital public au profit du privé. Pour s'en rendre compte, il suffit de se pencher sur la situation actuelle de l'hôpital de Remiremont. Mais pas seulement. Quant à faire de Griveaux un martyr de la politique et remplir des pages des quotidiens nationaux, et alimenter les diatribes de l'info télé, il n'y a qu'un pas que les médias ont franchi allègrement. Même Libé a consacré 4 pages à ce que j'appellerais ce non-événement. Heureusement, il y a ce virus aux yeux jaunes que l'on prétend là encore qu'il n'y a rien d'autre qui compte. Fini de parler des grèves, de la révolte des Français face à la réforme des retraites, de celle des personnels hospitaliers qui dénoncent jour après jour le manque de moyens, la fermeture de lits, exemple Remiremont, alors que les besoins des populations augmentent. Mais non, il faut faire parler le ministre de la Santé, l'appui, le ministre de la Santé, qui rassure. On est prêt. Mais à quoi me direz-vous? Alors qu'aujourd'hui, les patients devenus clients attendent pendant des heures sur un brancard dans les services d'urgence que l'on libère des lits. Mais les médias vont plus loin. Et le fait que l'économie chinoise est au ralenti, on nous prédit une récession internationale. Et on en profite pour dénoncer l'impérialisme chinois qui se développe. Mais qui a voulu que la Chine devienne l'usine du monde et aujourd'hui la deuxième puissance économique du monde? Posons-nous la question. C'est bien un pouvoir économique mondialisé qui s'est appuyé sur la Chine pour investir dans ce pays, appelé à l'époque émergent. Aujourd'hui, l'économie chinoise prend des parts de marché et soumet à ces normes de capitalisme d'État de nombreuses économies en Asie, en Afrique et jusqu'en Europe. Mais qui a déclenché ce mouvement? Mais qui a vanté les mérites, les performances du système chinois, modèle dont rêvent certains de nos patrons? Pensez donc à la discipline des salariés, leur productivisme, leur asservissement à une doctrine dirigée par un parti unique. Pourquoi pas par un patron? Il y a de quoi faire rêver nos patrons français, qui a du mal à faire avaler aux salariés français, voire européens, les réformes Macron, taillées tout exprès pour eux. Pour ce qui est de la soumission des populations chinoises aux directives dictatoriales qui pèsent sur la vie quotidienne et les libertés individuelles, certains dirigeants politiques en rêvent également, chez nous, qui ont posé des caméras partout pour contrôler les populations et mieux les asservir. Et bien sûr, demain, ce sera les intelligences artificielles, qui est pour le tout numérique aujourd'hui, tout numérique, qui dirigera notre vie demain. Posez-vous la question également. Hein, je crois que le modèle que l'on veut nous imposer est un modèle économique qui, de toute façon, n'a pas de scrupules pour asservir les populations. Voilà, je crois que là, je dis, il y en a marre de l'information telle qu'elle est distillée. On oublie ce qui se passe à travers le monde aussi, au Brésil, en Inde, où quelqu'un parle de pureté ethnique. On se croirait dans les années 30, où on écrase les populations sous les bombes, où le dictateur syrien continue aussi à écraser sa population. Je crois que là, on est arrivé quand même à des extrémités aujourd'hui que l'on veut ignorer, parce que, je disais, il y a un arbre qui cache la forêt. Voilà, j'ai de quoi méditer au cours de cette journée que je vous souhaite la meilleure possible. Et je vous donne rendez-vous jeudi prochain si tout va bien.